Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez sur Radio Active, c'est l'heure de la chronique Patrimoine en Lumière. C'est le deuxième numéro de cette nouvelle chronique que nous sommes ravis de vous proposer sur notre antenne. Et pour cela, nous sommes accompagnés de Guillaume Métayer, responsable du patrimoine. Bonjour Guillaume. Bonjour Marlène. Alors Guillaume, la dernière fois, on a découvert les coulisses du patrimoine d'Amboise. On a parlé de votre parcours, de votre rôle dans la préservation et la mise en valeur de la ville. Aujourd'hui, on remonte encore plus loin dans le temps avec un nouveau sujet. On remonte bien avant Léonard de Vinci, avant même les rois de France. On va parler de l'histoire antique d'Amboise. Voilà, un très gros sujet. C'est intéressant de commencer par le commencement, les origines de la ville d'Amboise. Absolument. Alors justement, démarrons par ça. De quelle période précise s'agit-il, l'Antiquité ? Alors c'est une période très large qui va de... Pour Amboise, les premiers vestiges sont datent du Néolithique. Donc on est autour de moins 4000. Donc le Néolithique, c'est une période qui va de moins 6000 jusqu'à moins 2300. On a ensuite l'âge du bronze, qui va de moins 2300 à moins 800. Puis l'âge du fer, qui peut être divisé en deux périodes, avec d'abord la culture de Hallstatt, ou le premier âge du fer, qui va de moins 800 à moins 500. Alors évidemment, c'est des délimitations... Oui. Un petit peu... Oui, on imagine que ce n'était pas un 1er avril, par exemple. Voilà, c'est presque arbitraire, mais en même temps, ça renvoie à des civilisations qui ont des modes de vie, des techniques particulières. Évidemment, à deux ans près, on passe de l'âge du bronze à l'âge du fer, mais évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça aussi rapidement. Et donc pour l'âge du fer, on a ensuite l'Athènes, ou le deuxième âge du fer, qui est de moins 500 jusqu'à la conquête romaine de la Gaule. Et on passe ensuite à la Gaule romaine. Donc c'est un petit peu toutes ces périodes que je vais parler, surtout la période gauloise, donc en fait le deuxième âge du fer, puisque ça va être la partie la plus riche et la plus intéressante en ce qui concerne Amboise. Alors je me permets de vous poser la question tout de suite, Guillaume, mais pourquoi est-ce qu'on parle si peu de l'histoire antique d'Amboise par rapport à son passé médiéval et renaissance ? Alors la principale raison, c'est l'absence de sources écrites, puisqu'on n'a pas de texte écrit par les Gaulois à Amboise pour parler de leur histoire ou de leurs croyances ou de leur mode de vie. Les Gaulois maîtrisaient l'écriture, on a des petites inscriptions sur des poteries, sur des monnaies, mais on n'a pas de texte pour parler de l'histoire d'Amboise. Donc l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, par les Romains. Même si les Romains ne mentionnent pas Amboise, ils parlent des Turons. Mais on a une légende qui a duré, qui dure même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a la butte de César à Amboise, qui est associée à une venue probable de César avec ses légions à Amboise, qui n'est absolument pas attesté par les fouilles archéologiques, mais qui vient en fait de la chronique des seigneurs d'Amboise. Donc c'est une histoire d'Amboise qui a été écrite au XIIe siècle par Jean de Marmoutier, qui était un moine, et qui mentionne donc ce camp de César, puisque même au Moyen-Âge, on avait conscience qu'il y avait une histoire assez ancienne à Amboise. Il y a des vestiges qui étaient encore visibles sur le plateau des Châteliers. Et donc il a associé ça à César, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment associé Amboise et César, alors que on n'a donc pas de preuve archéologique. César ne parle pas d'Amboise, et César probablement jamais venu à Amboise. Mais la butte garde le nom de butte de César. On a aussi les greniers de César qui sont associés à César, alors que c'est des greniers de la Renaissance, donc ils ne sont même pas de la période antique. Donc voilà, dès le Moyen-Âge, on a des liens qui sont faits et qui durent jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, il existe quand même des vestiges archéologiques qui sont visibles aujourd'hui en Amboise et qui témoignent de cette période. Oui, on a beaucoup de vestiges archéologiques. Alors évidemment, c'est beaucoup moins impressionnant que les vestiges des villes romaines qui sont en pierre, donc qui perdurent dans le temps, qui sont plus impressionnants. Mais on a de très beaux vestiges à Amboise pour plusieurs périodes, pas uniquement pour la période gauloise. Si on remonte à la fin de l'âge du bronze ou au début de l'âge du fer, on a la certitude qu'au niveau du château, il y avait quelque chose, donc une petite ville, une petite forteresse vraiment sur l'éperon, avec un premier rempart qui est encore un petit peu visible dans le paysage, donc qui est au niveau de la rue des Châteliers, un petit peu après l'emprise actuelle du château, qui descend ensuite, quand on descend sur la maison des pages, donc on voit vraiment le relief de ce rempart de l'âge du bronze. Alors, à la pointe de ce rempart, il y a une découverte très importante au XIXe siècle, un dépôt d'objets, d'armes en argent, qui peut être lié à la construction de ce rempart. Donc c'était une offrande, en fait, pour assurer la sécurité de ce rempart. Et c'est devenu quoi, ces objets-là ? Une fois que c'est trouvé, ça part où ? Au XIXe siècle, généralement, les découvertes étaient données à la Société archéologique de Touraine, puisqu'il n'y avait pas d'administration, d'État qui gérait les découvertes archéologiques. Et donc actuellement, elles sont dans les réserves du musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Elles ont été montrées un petit peu, mais maintenant elles sont plus visibles. Donc on espère prochainement, dans les prochaines années, lorsqu'on aura au musée d'art et d'histoire d'Amboise une salle pour parler de l'Antiquité à Amboise, récupérer une partie de ce trésor. Ah oui. Vous me disiez tout à l'heure en rantaine qu'il y avait beaucoup d'objets ou de morceaux de céramique ou de poterie très anciennes qui étaient stockés dans des dépôts d'État. Oui, voilà, on a une multiplication des opérations de fouilles archéologiques ces dernières décennies. Donc c'est lié aux nouvelles lois et aux nombreux aménagements qui ont lieu sur le plateau, à la Boîte Ardère notamment. Mmh. Donc tout ce qui est découvert n'est pas réenfoui dans le sol, c'est conservé. Donc ça dépend en fonction des opérateurs de fouilles. Ça peut être au service départemental d'archéologie d'Indre-et-Loire, ça peut être à l'INRAP, et ça finit normalement dans les dépôts de l'État quand il y a de la place. Mais voilà, évidemment, ça prend beaucoup de place. Il y a beaucoup de morceaux d'os, de tessons de céramique qui sont bien répertoriés pour chaque opération de fouille. Et sur le plateau des Châteliers, il y a d'autres choses à voir encore. Voilà, donc là, c'était pour le principal vestige de la fin de l'âge du bronze, du début de l'âge du fer, donc autour de moins 800. Pour à peu près la même période, mais peut-être plus le premier âge du fer, on a justement la butte de César, qui n'est pas une butte construite par César pour surveiller les environs, qui est un tumulus princier, donc qui est assez caractéristique de cette époque. Alors, ça fait quelques années qu'on a la certitude que c'est une tombe princière, puisqu'on n'avait jamais fouillé au pied de cette butte. Donc les dernières fouilles menées par le service départemental d'archéologie de Indre-et-Loire avec Jean-Marie Laruaz ont permis de prouver, sans avoir à fouiller dans le tumulus, que c'était une tombe princière. Donc c'est assez logique, on a un habitat probablement princier sur la pointe de l'éperon, qu'à la place du château actuel, et à l'extérieur du rempart, à l'extérieur de la ville, une tombe monumentale pour un prince, voilà, le premier prince d'Amboise finalement, ou une princesse, on ne sait pas, vu que ça n'a pas été fouillé. Et ça le sera ? Non, parce que ce serait un chantier monumental, et peut-être que la tombe a été pillée et qu'il n'y a plus rien à trouver en fait. Mais oui, mais on ne sait pas. Non. Mais donc là, on ne saura jamais. Là, il va falloir beaucoup d'argent pour fouiller ce... Stéphane Bern, si tu nous entends, peut-être qu'un loto du patrimoine pourrait nous permettre d'en savoir plus. Oui, c'est pas la priorité. Stéphane Bern, il a des restaurations de monuments à financer. Là, finalement, la butte, elle est là. Peut-être qu'un jour, on pourra l'explorer par de nouveaux moyens technologiques sans avoir à creuser. Oui. Mais pour le moment, elle est là et on sait que c'est un tumulus. Et voilà. Alors généralement les fouilles de tumulus ça a lieu lors de grosses opérations d'aménagement justement, donc c'est justement les deux types de fouilles archéologiques, on a les fouilles préventives et les fouilles programmées. Donc les fouilles programmées, comme son nom l'indique, c'est programmé généralement tous les ans, c'est purement scientifique, donc c'est des fouilles qui peuvent être conduites justement par le service départemental d'archéologie sur le plateau des Châteliers, donc au pied de la butte de César ou à d'autres emplacements sur le plateau. On fouille, on prend son temps, et puis on recouvre, et on voit, on analyse les résultats. Les fouilles préventives, c'est des diagnostics qui sont réalisés en prévision d'une opération d'aménagement. Donc un diagnostic, puis une vraie fouille si les découvertes le justifient. Donc là, généralement, il y a beaucoup moins de temps pour fouiller, mais il y a plus d'argent puisqu'on peut aller plus loin, il y a des vrais financements et les vestiges sont détruits puisqu'après il y a un aménagement. Donc généralement c'est dans ce cadre-là qu'on peut avoir des fouilles plus importantes, et c'est par exemple ce qui a eu lieu à Lavaux, où un important tumulus de cette période a été fouillé, et où on a trouvé une tombe à char, enfin plein d'éléments dans la tombe, probablement le même genre de découverte qu'on ferait à Amboise. Mais donc c'est pas à souhaiter, parce que pour qu'il y ait une fouille préventive sur la butte de César, ça voudrait dire qu'on a un projet de construire un immeuble sur le plateau des Châteliers. Quand il y a une fouille préventive qui est menée, et que le projet derrière de construction va être conduit, ça veut dire que vraiment, il n'y a rien. On en est sûr. Quand il y a une fouille après un diagnostic, c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais quelque chose qu'il faut étudier avant de le détruire pour construire autre chose à la place. En fait, la fouille préventive, elle ne va jamais stopper définitivement un projet d'aménagement. Elle va l'accompagner, elle va le retarder probablement, mais... Les probabilités que le projet soit annulé à cause d'une découverte archéologique sont très très très rares. Le but de l'archéologie préventive, c'est d'étudier avant la destruction. Donc en soi, ça fonctionne ensemble. Et en fait, s'il n'y avait pas de projet d'aménagement, il n'y aurait pas de fouilles, et donc on ne saurait pas ce qu'il y a sous le sol de la Boitardière, puisqu'on n'irait pas creuser dans un champ juste pour voir ce qu'on pourrait y trouver. Là, on creuse parce qu'il y a un projet d'aménagement, et donc après ça va disparaître. Donc ça permet de savoir ce qu'il y avait à cet emplacement-là, et c'est pour ça que la connaissance des environs de la ville vraiment gauloise s'accélère beaucoup ces dernières années, puisqu'on a de très grandes emprises, très grosses parcelles qui sont fouillées pour l'aménagement de la Boitardière, et ça permet de découvrir plein de choses qui sinon n'auraient jamais été découvertes. Et pour ce qui est des fouilles programmées, est-ce qu'on peut, en tant que citoyen amboisien, participer à titre bénévole ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a un petit peu plus de 10 ans, j'avais fouillé, lorsque j'étais étudiant sur le plateau des Châteliers, lors d'une fouille programmée au pied de la butte de César, justement. Alors, généralement, c'est plutôt des étudiants en archéologie qui vont venir, parce qu'il y a assez peu de place. Donc, si vous voyez une annonce et que ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter trop longtemps, puisque les places sont vite prises, mais c'est évidemment très intéressant. Et d'ailleurs, juste pour préciser un petit peu, ça se passe comment ? Il y a une petite formation de base par des gens qui sont là, en disant voilà comment ça se passe, voilà dans quel ordre il faut faire les choses. On apprend sur le terrain. Uh-huh. Évidemment, il n'y a pas d'urgence, puisqu'il n'y a pas de projet d'aménagement qui arrive après. Donc forcément, plus on est efficace, mieux c'est, puisque la zone fouillée ne sera pas forcément refouillée tout de suite. Mais c'est pas comme si ça allait être détruit après par un aménagement. Donc on digresse, mais on n'a pas fini avec les vestiges de ce plateau des Châteliers. Donc voilà, donc je vous disais que pour l'âge du bronze et le premier âge du fer, on a ce premier rempart qui délimite le petit camp qui est sur l'emprise actuelle du château, et ce tumulus princier qui était donc à l'extérieur de la ville. Et à la période gauloise, donc surtout au premier siècle avant notre ère, la ville d'Amboise, d'Ambatia, va connaître son apogée. Elle va être la plus densément peuplée du territoire des Turons. Et on a un deuxième rempart qui va être aménagé. C'est le rempart que vous visualiserez probablement mieux si vous connaissez le plateau des Châteliers. C'est le rempart qui a été coupé par une route pour arriver directement sur le plateau des Châteliers. Donc on a une très imposante coupe de remparts, et donc c'est le rempart gaulois. Il faut imaginer qu'il était beaucoup plus haut, puisque en 2000 ans, il a eu le temps de s'écraser. Mais quand on arrive sur le plateau, on voit très bien sur la droite la profondeur du fossé, on voit bien que c'était un très gros dénivelé. C'est un rempart monumental de 800 mètres de long qui délimite une ville d'une cinquantaine d'hectares. Donc c'est très très important, et ça permet de prouver que Amboise, à l'époque gauloise, c'était la capitale des Turons. Alors, malheureusement, Amboise n'est jamais mentionnée par les Romains, donc justement, qui parlent des Turons en général, mais sans situer Amboise. Mais cette analyse des vestiges a permis de prouver que Amboise était bien la capitale avant qu'elle ne soit déplacée à Tours, donc dans les premières années du premier siècle de notre ère, avec la fondation de la ville de Tours. Donc Caesarea Dunum, encore une fois, la ville de César. Donc là, il y a peut-être un petit peu plus de lien avec l'administration romaine, on va dire. Mais Dunum, ça reste un terme gaulois. Donc on a vraiment une acculturation entre les Gaulois et les Romains, probablement une élite gauloise qui veut faire les choses bien pour être assimilée autant que possible par les Romains. Donc ce rempart, c'est le principal vestige de la période gauloise. Mais les fouilles sur le plateau permettent de découvrir de nouveaux vestiges enfouis qui permettent de comprendre un peu mieux l'organisation de la ville gauloise, avec au cœur de la ville un centre politique, un centre religieux. Donc on a découvert plusieurs temples. Donc il y a un fanum qui est encore actuellement un petit peu à l'air libre, qui n'est pas totalement rebouché depuis sa fouille dans les années 80. Ah oui. Et d'autres petits temples autour, un grand bâtiment en bois qui est plus du côté du village vacances, qui a été découvert lors d'une fouille préventive justement. Et tout ça pour les Amboisiens ou habitants de la communauté de communes que ça intéresse, on peut aller sur place, aller visualiser tout ça? Est-ce que c'est un site qui est fermé, qui est protégé? Alors, ça dépend. La plupart des vestiges sont visibles depuis la rue. Et évidemment, il y a un petit lotissement sur le plateau des Châteliers. Mais les maisons ont été construites sur la ville gauloise et des découvertes ont pu être faites lors de la construction. Et maintenant, il n'y a plus rien à voir dans le jardin des gens. Les vestiges les plus impressionnants sont dans l'espace public. Et pour mieux comprendre tous ces vestiges, je vous invite à télécharger l'application WeVisit, puisqu'il y a un parcours qui a été mis en ligne sur le plateau des Châteliers, donc qui commence au panorama du château, donc quand on monte la rue depuis le Clos Lucé, qu'on arrive derrière le château. Et ensuite, vous avez tout un parcours qui vous explique l'histoire gauloise d'Amboise. Donc il y a des panneaux que vous connaissez peut-être, et donc il y a aussi l'application maintenant qui est la dernière version de ces panneaux, donc avec quelques modifications sur notamment les dernières découvertes, puisque l'archéologie, c'est un champ qui évolue constamment. Chaque fouille apporte une nouvelle compréhension de cette période, donc c'est vraiment pas une discipline figée. Les nouvelles technologies permettent également de comprendre de nouvelles choses sur l'organisation de la ville, notamment. Donc voilà. Comment a évolué notre compréhension de ce qui se trouve justement sur le plateau des Châteliers? À quel moment on a pris conscience que c'était un site précieux pour l'Antiquité? Alors ça a été très progressif. Je parlais de Jean de Marmoutier qui fait le lien entre César et Amboise, sans vraiment rentrer dans les détails. C'est surtout à partir du XVIIe siècle qu'on a des érudits locaux ou plus ou moins locaux vont essayer de retracer l'histoire d'Amboise et vont comprendre qu'il y a des vestiges. Forcément, les remparts, la butte de César, qui vont essayer de les analyser, mais sans forcément réussir à les dater précisément, puisque ce sera forcément... ils ne peuvent pas associer ces vestiges à des textes. Hein. À cette époque, on ne fait pas de fouilles sur des vestiges gaulois. Donc c'est des découvertes ponctuelles. Au XIXe siècle notamment, donc après la crise du phylloxéra, on va arracher des vignes, et en arrachant les pieds de vigne, on découvre des objets dans la terre. Imaginez la tête du vigneron qui déterre une poterie, c'est quand même impressionnant. Et justement, donc, pendant toute cette période, sur le plateau des Châteliers, il y a uniquement des cultures, il n'y a aucune construction, jusque dans les années 1950-1960. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va avoir des premiers projets d'aménagement sur le plateau, donc un lotissement, puis le village vacances. Mais dans ces années-là, il n'y a pas de loi qui protège le patrimoine archéologique. Et donc c'est des amateurs, des bénévoles, qui vont aller surveiller sur les chantiers pour voir ce qui se passe. Donc notamment André Pérard, qui dans ces années-là va être... très très actif autour de ces chantiers de construction pour essayer de récupérer le plus d'objets possible pour comprendre comment la ville s'organisait. Et c'est seulement au début des années 2000 que les premières lois de protection du patrimoine vont réglementer les projets d'aménagement. On a la création de l'INRAP, la création du service départemental d'archéologie d'Indre-et-Loire en 2004. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir vraiment la création d'une archéologie préventive qui va accompagner les projets d'aménagement. Donc le lotissement des années 70, le village vacances, ils ont été construits sans qu'il y ait de réelles fouilles. Mais maintenant, dès qu'il y a un projet d'agrandissement d'une des maisons du lotissement ou du village vacances, on a des fouilles préventives. Mais la loi a évolué, mais ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il se cache peut-être des trésors de l'Antiquité sous les pieds du village vacances ou de ce lotissement. Voilà. Malgré l'attention de M. Perard. Qui ont probablement été détruits lors des travaux. Donc on a des trous maintenant qu'on va pouvoir compléter progressivement à chaque projet d'aménagement. Surtout que ça va être surtout sur de petites surfaces, parce que généralement des extensions, on ne va pas doubler la surface du bâti. Mais rien que ces petites surfaces, ça, c'est un apport considérable à la compréhension des aménagements gaulois du plateau des Châteliers. Bah surtout qu'on est pile entre le château et le tumulus. Potentiellement, il se cache forcément des choses. Voilà, et puis c'était vraiment le centre politique et religieux d'Ambatia, donc avec les temples, une grande place, et ensuite tout autour des quartiers plus artisanaux. On sait que la ville était très dense, en fait. Sur les 52 hectares du plateau, il y avait des constructions partout, donc c'est assez difficile à imaginer maintenant. C'était vraiment une très grosse ville. Et donc cette ville, elle va disparaître, plus ou moins, après la conquête romaine, avec la création de Tours. Les élites, probablement, vont se déplacer dans la nouvelle capitale, et il va rester que quelques habitants à Amboise, et donc les habitants vont partir, vont quitter le plateau. C'est l'exode rural, vous voyez, avant l'heure. D'une ville à une autre, ça. Oui, d'accord. On peut supposer que les habitants, les Amboisiens, vont se déplacer plutôt du côté de l'actuelle église Saint-Denis, parce qu'on a un pôle mérovingien, donc là on est plus tard, on est au 4e, 5e siècle. On sait que Saint-Martin va venir à Amboise pour détruire un temple païen, donc en fait un temple romain, probablement celui dont on voit les vestiges sur le plateau des Châteliers, et il va créer une église, donc probablement l'église Saint-Denis, donc évidemment pas l'édifice actuel, mais la plus ancienne paroisse d'Amboise, l'église Saint-Denis, avec probablement une occupation peut-être militaire qui va rester sur la pointe de l'éperon. Et puis c'est seulement au cours du Moyen-Âge que les habitants vont revenir au pied du château, et on aura deux pôles, donc autour de Saint-Denis et au pied du château, qui vont se réunir au XIVe ou XVe siècle le long de la rue Nationale. Et alors, comment on entrait dans cette ville ? Alors, effectivement, c'est une question qui n'a pas encore de réponse pour le moment, puisque le rempart de 800 mètres, il n'a pas de porte, en fait, sur tout son long. Maintenant, on traverse par la coupe qui a été faite, avec la rue qui passe dans le rempart. Mais en fait, à la période gauloise, la porte, elle était probablement à l'extrémité sud du rempart, donc en fait au-dessus de Château-Gaillard. C'était pas au milieu, donc au moins c'était plus facile à protéger, puisque d'un côté il y avait le vide du coteau, et de l'autre le rempart. Donc c'est de là qu'ensuite partaient toutes les voies qui quittaient la ville. Alors probablement en termes de commerce, c'était pas l'idéal, puisqu'il fallait monter jusque dans le plateau. Jusque sur le plateau, c'est probablement ce qui va conduire à déplacer la ville directement au bord de la Loire, à Tours, ce qui est plus simple pour les échanges commerciaux, même si c'était une très importante ville commerciale à l'époque gauloise, Amboise. Et alors, une question qui me taraude depuis le début de cette chronique, Guillaume, mais pourquoi Amboise ? Ça sort d'où, ce nom ? Alors, Amboise, parce que Ambatia. Et Ambatia, la première trace qu'on a du nom Ambatia, c'est au IVe siècle, lorsque Sulpice Sévère raconte cet épisode de la vie de Saint-Martin qui vient détruire un temple à Amboise et construire une église. Et donc, la ville s'appelle Ambatia. Donc, Ambatia, la racine, c'est une racine gauloise, Amba, qui signifie rivière, et donc Ambatia, c'est soit la ville au bord de la rivière, soit la ville entre deux rivières, donc entre la Loire et la Masse, donc c'est vraiment une toponymie géographique, donc liée à l'emplacement d'Amboise sur cet éperon, justement, au bord de la Loire, entre la Loire et la Masse. Amboise a eu d'autres dénominations ? On a parlé d'Ambac. Alors après, il y a eu des déformations au Moyen-Âge, mais en général, c'est plutôt sur l'orthographe d'Amboise que ça a pu évoluer en fonction des époques. On pouvait écrire avec un Y, un Z, ou lorsque l'orthographe n'était pas fixée, mais phonétiquement, c'est resté Amboise, en fait, pendant quasiment toute son histoire. Est-ce qu'il reste des objets visibles de l'époque des Gaulois ? Alors, visible, ça dépend où, mais évidemment, il y a eu énormément de découvertes d'objets et des découvertes très importantes, notamment des statuettes gauloises, donc des petites statuettes au torque. C'est en Oise qu'on a découvert le plus grand nombre de ces statuettes, dont l'utilité n'est pas tout à fait définie, mais c'est des découvertes vraiment, vraiment importantes qui, pour le moment, sont pas vraiment visibles. Il y a une statuette qui est exposé au musée de la préhistoire du Grand Pressigny, les autres sont toutes en réserve. Donc l'idée, encore une fois, ce serait, lorsqu'on aura une salle pour parler de l'Antiquité amboise, de présenter plusieurs de ces statuettes. Sinon, pour voir des statuettes au torque, il faut aller au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, dans d'autres gros musées archéologiques un peu partout en France, mais... C'est dommage, pour le moment, on ne peut pas encore montrer ces statuettes à Amboise même. Et même en photo, il n'y a pas un endroit, un site que vous nous recommanderiez? Alors, on sait qu'il y a le WeVisit qui nous permettra d'observer déjà pas mal de choses, mais est-ce que, par exemple, il y a des objets visibles? Alors, sur WeVisit, oui, il y a une partie sur les statuettes au torque, sur des pendentifs cages aussi. Donc, c'est un type de production assez étonnant qui a été trouvé aussi en grand nombre à Amboise. Des pendentifs cages. Oui, alors c'est des petits pendentifs qui ont un petit peu une forme de tour Eiffel. Avec, donc là aussi, l'utilité reste à définir. Ça peut être un cadeau de passage à l'âge adulte. Mais il y a eu de très nombreuses découvertes de ce type-là à Amboise. Donc voilà, on n'aura jamais fini de découvrir des choses sur le plateau des Châteliers. Bah c'est passionnant, Guillaume. Comme cette première émission qu'on avait réalisée ensemble, vous nous embarquez dans l'histoire amboisienne et c'est précisément, très précisément, ce qu'on souhaitait en proposant cette chronique à nos auditeurs. Si on devait se balader dans Amboise aujourd'hui avec des lunettes antiques, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer voir ? Alors, déjà, il faudrait être sur le plateau des Châteliers, puisque dans la ville actuelle d'Amboise, c'était plus ou moins la campagne. Mais sur le plateau des Châteliers, il faut imaginer donc une ville assez dense avec des habitations en bois, puisqu'il n'y a pas de construction en pierre à l'époque gauloise. Donc voilà, un petit peu un gros village d'Astérix avec des maisons en bois. C'est seulement à partir des premiers siècles de notre ère que les temples seront construits en pierre. Mais sinon, ce sera uniquement des maisons en bois et différents quartiers avec des différentes spécialités en fonction des zones du plateau. Très bien. Cette application, WeVisit, elle s'orthographie comment ? WeVisites. Très bien. Eh ben, on invite les auditeurs à télécharger cette application parce qu'il y a vraiment beaucoup de découvertes à faire, découvertes historiques de tout temps, finalement. Voilà, et puis c'est vraiment une belle promenade, là, maintenant, qui devrait commencer à faire beau. C'est presque des paysans, puisqu'on est quasiment dans le centre-ville d'Amboise, et on passe une rue, et ça y est, on est presque au milieu de la nature, et on a ces vestiges antiques qui apparaissent devant nous. Très bien. Eh bien, après s'être baladé dans l'Antiquité amboisienne, on va retomber dans notre ère actuelle de 2025. Merci beaucoup, Guillaume. Vous êtes responsable du patrimoine à la ville d'Amboise et vous nous consacrez ce temps pour nous faire découvrir notre belle ville d'Ambassia, Amboise. Merci, Guillaume. Avec plaisir, Marlène. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique. À dans un mois. C'est la fin de cette chronique que vous pourrez retrouver sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.